pas pour de croire, mes amis. Venez à la maison, il y a un éléphant sur mon balcon. Il avale tous mes bonbons, assis sur mes fleurs, il suffit une chanson. Je vous remercie pour ce petit cadeau.